fait dire que la vie te garde, mon enfant joyeux et souriant, et que tout l'amour que j'ai pour toi te protège à jamais. Petit enfant, dans ton lit tout blanc, oublie tous les grands, ils ne savent pas les portants. Jamais. Si ce cœur d'enfant sait rire souvent comme tu le fais à présent, que la vie te garde, mon enfant joyeux et souriant, et que tout j'ai pour toi te protège à jamais, et que tout l'amour que j'ai pour toi te protège à jamais.